c'est un peu space comme musique. Hein. C'est une musique pour fumer un peu, non? Je plaisante, hein, je plaisante. Je sais pas si tu fumes. Ah, j'entends le métronome. Ah, merde, on m'appelle. Bon, écoute, bonne journée à toi. Ciao, ciao. Bye, bye.